Est-ce bien le hasard qui l'a mis sur ma route? Car aujourd'hui j'en doute. Mais ses yeux langoureux m'ont ensorcelé, et ses lèvres si douces ont entrouvert ma bouche de bien tendres baisers que pas un seul instant je n'ai pu résister. Je garderai toujours au fond de mon cœur lourd l'image inoubliable de la belle Follen, la fille de Berlin. Quand au petit matin, je l'ai cherchée en vain, sur la couche déserte, elle avait disparu, emportant tous mes sous, et puis mes nippes aussi, ma voleuse de santé, avait tout embarqué. Prenez donc garde aux filles qui sont bien trop gentilles. Je garderai toujours au fond de mon cœur lourd l'image inoubliable de la belle Follen, la fille de Berlin. Mais mon cœur en déroute, profondément troublé, ne pouvait s'en passer de Pankova Vanzée. Partout je l'ai cherchée, croyant la reconnaître en d'autres silhouettes. Je lui courais après, où donc est-elle cachée, ma si belle inconnue? Je garderai toujours au fond de mon cœur lourd l'image inoubliable de la belle Follen, la fille de Berlin. À la languir ainsi, j'ai perdu l'appétit et le sommeil aussi. Je ne vis plus sans elle, mon Dieu, rendez-moi là, connaissant ma détresse. De belles demoiselles voulaient me consoler, merci mes tourterelles, mon cœur est déjà pris. Je garderai toujours au fond de mon cœur lourd l'image inoubliable de la belle Follen, la fille de Berlin. Si vous la rencontrez, dites-lui qu'elle revienne et que je l'attendrai. Je lui ai pardonné tous ses petits péchés. Elle m'a donné l'ivresse, je veux la retrouver. Et là je suis pressé, j'en suis très amoureux. Voilà la vérité. Je garderai toujours au fond de mon cœur lourd l'image inoubliable de la belle Follen, la fille de Berlin.